Cette aventure, d'une simplicité patriarcale, convenait singulièrement à la situation secrète de cette famille. Aussi, le baron, en louant sa fille de sa confiance, lui dit-il que désormais elle devait s'en remettre à la prudence de ses parents. « Tu comprends, ma petite fille, que ce n'est pas à toi à t'assurer si l'amoureux de ta cousine est comte, s'il a des papiers en règle et si sa conduite offre des garanties. Quant à ta cousine, elle a refusé 5 parties quand elle avait 20 ans de moins. Ce ne sera pas un obstacle, et je m'en charge. » « Écoutez, mon père, si vous voulez me voir mariée, ne parlez à ma cousine de notre amoureux qu'au moment de signer mon contrat de mariage. Depuis 6 mois, je la questionne à ce sujet. Eh bien, il y a quelque chose d'inexplicable en elle. » « Quoi ? » dit le père, intrigué. « Enfin, ses regards ne sont pas bons quand je vais trop loin, fût-ce en riant, à propos de son amoureux. Prenez vos renseignements, mais laissez-moi conduire ma barque. Ma confiance doit vous rassurer. » « Le Seigneur a dit, « Laissez venir les enfants à moi. Tu es un de ceux qui reviennent, » répondit le baron avec une légère teinte de raillerie.